C'était un soir sans importance. Je ne croyais plus à ma chance. Tu m'as souri pour cette danse. En un instant tout a changé. C'était un soir sans importance. Nos mains se cherchaient en silence. Tout contre moi par ta présence. En un instant tout a changé. La nuit, la musique nous rapproche l'un de l'autre éperdument. Tout bas, je te disais tous ces mots perdus au plus profond de moi. C'était un soir sans importance. Je ne croyais plus à ma chance. Tu m'as souri pour cette danse. En un instant tout a changé. C'était un soir sans importance. Nos mains se cherchaient en silence. Tout contre moi par ta présence. En un instant tout a changé. Pour toi, rien que pour toi, je rêvais d'une maison et d'un enfant. Et toi, tu serais là. Ta présence toujours plus douce au fil des ans. C'était un soir sans importance. Je ne croyais plus à ma chance. Tu m'as souri pour cette danse. Ma vie entière je t'aimerai. C'était un soir sans importance. Je ne croyais plus à ma chance. Tu m'as souri pour cette danse. Ma vie entière je t'aimerai. C'était un soir sans importance. Nos mains se cherchaient en silence. Tout contre moi, pas ta présence.